est d'accord. Ça suffit pas d'y croire, pas on partage les torts. C'est jamais qu'une fin d'histoire. Moi ça me saoule de te voir si triste. Il faut que je te demande si ça va, excuse-moi si j'insiste. Tu sais je suis mal aussi, les mots se bousculent, je gesticule dans le canapé mal assis. Ces moments je les déteste, j'ai dans tes yeux la détresse. Faut que je cesse d'être indécis. Rappelle-toi, on s'était dit rien que du bon con et pas de prise de tête. On avait tous les deux nos trucs à faire. Nos sports étaient courts, moi le foot et mes affaires. C'était on se voit quand tu me répondais, cette semaine c'est l'enfer. Des fois c'était le contraire, qu'un jour sans se voir, avant de se retrouver par hasard dans le même concert. J'ai trouvé mon compte et tu trouvais le tien. J'ai pas assez de doigts pour compter le nombre de mois où tout allait bien, où tout allait bien, où tout allait bien. C'était écrit, c'est mal écrit, j'ai mal compris tes envies. Ce que tu voulais, j'ai pas saisi. C'est difficile, tu sais, de parler des regrets. Avec ma gueule de dur, bébé, on me croit jamais. Et t'as du mal à croire que c'est sans intérêt. Pour une femme, pour une fille, il n'y a pas d'autre histoire. Car c'est fini aujourd'hui, je me justifie. Je m'explique sur scène, je joue Andersen. Comme à l'usine, je bosse, j'ai développé des astuces. Je suis très mat, on me demande deux fois plus. Pour espérer monter, non, pour avoir un cursus. J'ai un boulot modeste qui reflète mon milieu. Mais pour le son, t'as rien compris, ça devient sérieux. Je n'ai jamais voulu ça, je pensais que tu me suivais. Vaut mieux qu'on s'arrête là, si tu ne peux pas m'épauler. On s'en rend compte maintenant, ce sera moins compliqué. C'est le moment d'être fort et d'avoir le courage. Même s'il y a toujours des remords, une fois que passe l'orage. Je vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Faut se dire au revoir quand t'as deux, on passe plus de bon temps. Une autre histoire, courte, sans mensonge. Vaut mieux qu'une longue histoire dans laquelle je perds mes songes. C'est triste et dur, notre aventure est brève. Tant pis, sans toi, j'irai au bout du rêve. C'était rien que nous deux, laissant de côté nos familles. Laissant de côté tes potes et mon escadrille. C'était simple, puis merde, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé d'ambiance sans en avoir conscience. Et je pense que c'est là quelque chose a cassé. On s'est vu de manière moins en moins espacée. Puis voir les exigences, les consacre-moi plus de temps. Tu l'as dit, je l'ai dit, à un moment on était trop dedans. Du lundi au samedi comme tous ces coups bidons. On a eu nos soirs sans envie de voir l'autre. Mais personne n'a dit non. Résultat on s'est saoulé mutuellement. Cette spirale des heures grises sur une pente qu'on dévale. Sur notre belle histoire tombe un voile. Et rien n'arrête le cours des événements. Quand c'est mort, faut se le dire vraiment. Depuis déjà, j'ai fait le bilan, j'annonce un nombre de gars. Et je veux pas rentrer dans d'inutiles débats. Dans ce monde matériel, avec ou sans matériel, imprévisible aujourd'hui, je peux t'offrir le ciel. Demain qui sait, peut-être des fleurs artificielles. Tu me demandes quand même d'accepter les remontrances. La sournoiserie ethnique pour qui travaille en France. Faire de la lèche est loin d'être idéal. Alors je lutte et je conteste en marginal. Tu me proposes une vie entre guillemets normale. Mais pour mon art, je reste l'original. MC, lyriciste, interprète, auteur. L'amour joue des tours, la folie, le bonheur. Personne n'est juste en amour, c'est une douleur. C'est le moment d'être fort et d'avoir le courage. Même s'il y a toujours des remords, une fois que passe l'orage. J'ai pas tourné autour du pot plus longtemps. Faut se dire au revoir quand t'as deux, on passe plus de bon temps. Une autre histoire, courte, sans mensonge. Vaut mieux qu'une longue histoire dans laquelle je perds mes songes. C'est triste et dur, notre aventure est brève. Tant pis, sans toi, j'irai au bout du rêve. Stay in love is one they say.